وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. De même pour le peuple de Noé auparavant. Ils étaient des gens pervers. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Et de toute chose, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Ainsi aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit « c'est un magicien ou un possédé ». أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé à leur sujet. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. Ceux qui ont été injustes auront une part de tourment pareille à celle de leurs compagnons, qu'ils ne soient pas trop pressés. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Malheur donc à ceux qui ont mécru à cause du jour où ils sont menacés.